Bonjour, ici Valérie Levé et Samuel Lauzon. Vous écoutez CKRL 89.1 et c'est l'heure de votre magazine de culture scientifique Futur Simple. Dans les dernières semaines, nous avons fait une incursion en Afrique avec plusieurs chercheurs africains. Mais cette semaine, nous sommes de retour en terre québécoise avec mon coéquipier Samuel Lauzon pour un reportage combinant l'intelligence artificielle et la foresterie. Bonjour Samuel. Bonjour Valérie. Tout à fait. Cette semaine, je vous emmène dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle, des réseaux de neurones à convolution et des algorithmes, le tout appliqué à la foresterie québécoise. Pour ce faire, j'ai rencontré un excellent guide, Guillaume Drolet, qui est chercheur dans l'équipe de modélisation de la Direction de la recherche forestière du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs depuis 2011. Guillaume et son équipe ont développé un outil novateur combinant intelligence artificielle et photographie aérienne pour cartographier l'état de santé du couvert forestier. Bonjour Guillaume, comment ça va? Oui, salut Samuel, ça va très bien, merci toi. Oui, ça va bien. Tout d'abord, avant de parler spécifiquement de l'outil que vous avez développé, TreeNet, j'aimerais que vous me parliez, que vous m'expliquiez pourquoi c'est si important de connaître l'état de santé du couvert forestier. Pourquoi votre équipe s'est attardée à cet élément en particulier? Donc, pour répondre à ta question, pourquoi c'est important de connaître l'état de santé du couvert forestier? Bien, en fait, c'est important pour plusieurs raisons. Par exemple, d'aller voir de plus près qu'est-ce qui se passe s'il y a une problématique au niveau de la forêt. Est-ce que les arbres sont dépérissent pour quelconque raison? Et ensuite, à partir du moment où on peut constater que ça se passe dans le paysage, par exemple, dans un paysage forestier, on peut aller essayer d'étudier les facteurs qui pourraient contribuer à ce dépérissement-là. Puis une fois qu'on connaît ces facteurs-là et puis leur effet sur la santé du couvert, on peut arriver à les prédire par des modèles. Puis ensuite, prendre des décisions qui vont augmenter la résistance des arbres à certains événements qui pourraient nuire à la vitalité du couvert. Un autre exemple d'application là, de l'outil puis qui démontre pourquoi ça pourrait être important de connaître l'état de santé du couvert forestier, ça serait par exemple si au niveau d'une unité d'aménagement forestier, on découvrait la présence d'un phénomène de dépérissement ou d'un événement qui sort du commun. On pourrait prévoir des interventions sylvicoles ou des plans spéciaux de récupération qui permettraient d'aller récupérer le bois mort avant qu'il se dégrade. Oui, c'est très intéressant. Par exemple, est-ce que ça pourrait être un dépérissement par la tordeuse des bourgeons d'épinette ou un autre insecte ravageur? Oui, ça pourrait être ça. Là. Ça pourrait être la mortalité, mettons, comme on l'appelle, plus catastrophique, là, due à des maladies importantes ou des épidémies d'insectes. Là. Mais dans le cas de l'outil là, qu'on a développé, TreeNet, on regardait seulement la mortalité qui est dite non catastrophique ou mortalité de fond dans les arbres là, ou le dépérissement qui serait causé, par exemple, par des stress prolongés, mettons, de la sécheresse ou des vagues de chaleur ou il y a certains sites forestiers au Québec qui sont plus vulnérables, par exemple, sur des sols plus minces, dans des régions plus chaudes et plus sèches, où on peut constater une plus grande occurrence de dépérissement dans le couvert. Oui, on comprend bien l'importance de connaître l'état de santé du couvert forestier, mais dans vos travaux, vous utilisez l'intelligence artificielle. Comment cet outil TreeNet que vous avez développé peut-il nous aider à mieux connaître justement cet état de santé de nos forêts québécoises? Il faut comprendre c'est que la forêt québécoise, c'est tellement vaste. C'est difficile de même pour un gestionnaire d'un territoire forestier, de vraiment avoir une idée de qu'est-ce qui se passe partout sur le territoire, parce que c'est les peuplements forestiers sur le territoire ne sont pas nécessairement visités régulièrement ou à chaque année. Donc, avoir un outil basé sur les données de télédétection comme les photographies aériennes ou l'imagerie satellitaire, ça permet de couvrir mur à mur des grands territoires. Puis avec des algorithmes comme ça d'intelligence artificielle, de pouvoir classifier les images pour identifier des zones problématiques, ben, ça permet justement cette étude-là là, à une échelle spatiale que sinon on n'en aurait pas idée de ce qui se passe vraiment, à part par des visites de terrain. Je tiens aussi à mentionner que ce type d'étude-là qui est rendu possible grâce à l'outil, c'est difficile à faire ou même impossible avec les données actuelles d'inventaire forestier, là. Avec les placettes d'inventaire forestier où des équipes vont mesurer des attributs dans des peuplements forestiers, c'est très difficile de capturer ce phénomène-là de dépérissement puis de baisse de vitalité des arbres, parce que généralement, c'est des phénomènes qui se produisent de façon assez ponctuelle et aléatoire à l'intérieur des forêts. Donc, ça impliquerait sur le terrain de mesurer des grandes étendues de forêt au complet pour pouvoir avoir une bonne idée de la représentativité d'un phénomène comme ça, là. Par exemple, le pourcentage d'arbres morts dans une forêt. Tandis qu'avec l'outil qu'on a développé, ça permet d'avoir une cartographie continue d'un territoire où là, après, c'est plus facile d'avoir des statistiques fiables sur qu'est-ce qui se passe en réalité sur le terrain. Alors, si je comprends bien, c'est un outil qui est vraiment visuel parce que ça vous permet, dans le fond, de couvrir un très large territoire puis de voir comme rapidement, d'une façon visuelle, les problématiques qu'il peut avoir. Exactement, ça permet sur l'ensemble d'un territoire de détecter s'il y a des taux, par exemple, de mortalité dans le couvert qui sont anormalement élevés. Maintenant, avec les outils pour analyser les images, comme les systèmes d'information géospatiale, ça serait facile d'agréger des prédictions, mettons, à haute résolution, mettons à 1 mètre, des pixels d'un mètre, là. C'est chaque pixel dans une image serait 1 mètre sur le terrain. Bien, on peut, une fois l'image classifiée, les agréger, par exemple, à des pixels de 100 mètres par 100 mètres, pour lesquels on pourrait calculer la proportion de pixels qui sont morts ou défoliés. Et ensuite, pour la visualisation, demander de juste voir ceux qui ont un taux d'une proportion de défoliation plus élevée qu'un certain seuil. Donc, on peut facilement voir partout dans le territoire où il y a des endroits plus problématiques. Oui, effectivement, on voit tout de suite la pertinence et l'intérêt que peut susciter un outil tel que celui que vous avez développé pour un territoire comme le Québec. Mais je me demandais justement comment vous êtes pris pour développer précisément et concrètement cet outil? En fait, ce qu'on a utilisé, c'est un réseau de neurones de convolution. C'est une méthode d'intelligence artificielle qui permet, entre autres, de classifier des images. Donc, comment ça fonctionne, c'est qu'on montre à l'algorithme des images pour lesquelles on lui donne aussi la réponse. Et lui, ce qu'il va faire une prédiction. Il va prendre l'image en entrant dans le modèle, dans l'algorithme, puis rendu à la fin, après avoir fait plusieurs opérations, il va donner une probabilité que cette image-là contienne un objet en particulier. Donc, pour ça, il faut lui avoir une banque d'images avec des attributs recherchés. Dans notre cas, c'était par exemple le type de couvert et puis la vigueur, si l'arbre était en santé ou s'il était défolié fortement. Donc, pour obtenir ces données-là, on a développé une norme de photo-interprétation qui servait à constituer la base de données. Et la photo-interprétation, ce que c'est, dans le fond, c'est une technique qui permet de cartographier différents attributs de la forêt à partir de photographies aériennes. Un photo-interprète, son travail consiste en gros à regarder une paire d'images stéréoscopiques. Là, ça génère un modèle en 3D. Puis là, il va, en suivant une norme qui va lui dire comment caractériser le couvert forestier, va faire une généralisation de ce qu'il y a à l'intérieur de polygones qui délimitent, par exemple, des entités homogènes comme un peuplement forestier. Puis il va définir des attributs rattachés à ce polygone-là, comme par exemple la hauteur du couvert, la composition, le type dominant, type de couvert dominant, la densité, peut-être le type de dépôt, des attributs comme ça reliés à la foresterie. Donc, nous, avec cette norme-là qu'on a développée, on a réussi à acquérir beaucoup, des centaines de milliers de points, où chaque point dans la base de données avait été placé sur un arbre dans une photo et pour lequel le photo-interprète avait caractérisé les attributs qu'on lui avait demandé. Oui, c'est très intéressant, mais vous parlez de réseau de neurones à convolution. Qu'entendez-vous exactement par neurones et c'est quoi exactement une convolution? Oui, ben, dans le fond, un réseau de neurones, ça a été développé avec comme une idée de base, c'est le fonctionnement du cerveau humain puis comment l'information est transférée entre les neurones dans le cerveau. Donc, en gros, le modèle, le réseau de neurones, c'est plusieurs couches de neurones qui sont des fonctions mathématiques. Puis, les nœuds sont interconnectés entre les couches. Donc, pour chaque connexion, il y a une importance qui est associée. Puis, au départ, quand on entraîne le modèle, les poids sont attribués au hasard à travers les connexions. Puis là, à mesure que le modèle apprend dans le phénomène d'apprentissage, dans le processus d'apprentissage, il va ajuster les poids de façon à ce qu'il soit de plus en plus bon à prédire la meilleure classe. Donc, puis dans le cas des réseaux de neurones à convolution, bien là, il y a comme un aspect supplémentaire, c'est les convolutions. C'est une série de filtres qui sont appliqués de façon successive à l'image. Donc, au départ, l'image, on fournit l'image au modèle. On spécifie aussi combien de filtres on veut avoir qui passent sur l'image, puis les tailles, les dimensions des filtres. Puis là, en fait, c'est que le filtre va parcourir toute l'image en se déplaçant d'un pixel à la fois, puis va appliquer une transformation mathématique à chaque fois qu'il va se déplacer. Donc, il va résulter pour ce filtre-là une nouvelle image qui a été transformée par le filtre. Puis dans le cas des réseaux neuronaux convolutifs, c'est un peu comme les connexions entre les neurones dans le réseau de neurones. C'est que les poids vont être attribués aléatoirement dans les filtres. Puis c'est qu'à force de se faire entraîner, le modèle va apprendre quels poids sont les plus importants pour extraire certaines composantes de l'image. Puis le modèle va apprendre à retenir celles qui sont les plus utiles à la fin pour faire une prédiction. Je trouve extrêmement fascinant que vous mentionniez que ce type d'intelligence artificielle a été développé en prenant pour modèle le cerveau humain. J'écoutais justement, il y a quelques jours, une conférence de Stanislas Dehaene. C'est un psychologue français spécialisé dans la neuropsychologie qui disait qu'entre la petite enfance et l'âge adulte, l'humain perd 2/3 de ses connexions synaptiques. Je vous rassure, là, c'est pas que l'adulte devient moins intelligent, mais à l'instar de votre modèle d'intelligence artificielle, les connexions qui sont les plus utilisées, celles qui donnent le meilleur résultat, sont renforcées, alors qu'à l'inverse, les connexions les moins utilisées vont progressivement s'affaiblir et s'éliminer. Mais si on en revient à votre outil, vous m'aviez parlé, avant le début de l'entrevue, d'un certain lien entre votre réseau de neurones à convolution et les applications qu'on voit parfois sur les téléphones cellulaires qui utilisent la reconnaissance faciale. Oui, c'est comme, pour reprendre mon exemple d'applications sur le cellulaire ou autre qui est capable de détecter des visages, ben, c'est un peu le même principe. Pour détecter un visage, ben, au départ, il va voir, supposons, des lignes horizontales qui sont des sourcils. Quand il y a deux cercles en dessous, ben, à un moment donné, ça fait comme des yeux avec une certaine distance. Après ça, si tu as deux petits trous un peu plus bas, les narines, ben, au final, ça fait comme un visage, puis on reconnaît que c'est le visage d'une personne. Avec, dans notre cas, nous, au lieu d'être des yeux et un nez, une bouche, ça va être la forme de l'arbre, ce qu'il y a autour. Par exemple, les arbres feuillus n'ont pas la même forme que les arbres résineux. Un arbre qui a des branches mortes sur une photo, c'est vraiment différent qu'un arbre qui a toutes ses feuilles. Donc, c'est à peu près comme ça que ça va fonctionner. Et à terme, quelles pourraient être les retombées concrètes pour la foresterie ou pour la société en général de cet outil? Oui, il y aurait plusieurs applications à l'outil. Là. Par exemple, ça pourrait être pour le suivi en continu de l'état de la forêt, comme j'ai mentionné plus tôt, là, dans le fond, qui permettrait de détecter, si on a une carte annuelle, par exemple, de détecter des problématiques de dépérissement ou de baisse de vigueur dans certains secteurs. Et donc, ensuite, on pourrait décider d'envoyer des équipes sur le terrain pour essayer d'étudier plus en profondeur c'est quoi qui se passe à cet endroit-là, c'est quoi les variables ou les facteurs environnementaux qui pourraient être responsables de ça, l'expliquer dans le but d'en faire un modèle, par exemple, pour ensuite prédire dans le futur où il risquerait d'avoir des problématiques de ce genre-là. Un autre exemple d'application, ça pourrait aussi être d'étudier sur un grand domaine spatial, supposons une région au complet, les facteurs qui sont aussi cartographiables, comme des attributs de la topographie, par exemple, ou de la présence d'épidémies d'insectes, puis mettre ça en relation avec la carte produite par notre outil de baisse du couvert forestier, de mortalité, de dépérissement, pour essayer de comprendre c'est quoi les facteurs qui sont impliqués dans ce processus-là, et construire des modèles après pour pouvoir être capable de prédire les probabilités d'occurrence de ces épisodes-là de dépérissement. Vous parlez de grand domaine spatial et je me demandais, est-ce que votre modèle, votre outil est exportable dans tout le Québec? Pour nos besoins de recherche, on fait un exercice indépendant pour voir c'est quoi la distance à l'intérieur de laquelle le modèle va quand même être bon. Là, supposons qu'on a une région comme dans ce projet-là, c'était en Mauricie. Ben, si on a des données qui ont servi à l'entraînement, puis on fait des prédictions sur des images qui s'éloignent de plus en plus de où les données d'entraînement étaient situées, ben, on veut savoir jusqu'où on peut aller dans le domaine spatial pour avoir des données dont la qualité va être similaire à ce qu'on a obtenu sur le jeu de données test. Ben, pour ça, on a demandé encore l'aide d'un photo-interprète pour aller dans des petites zones, aller plus loin, faire un peu le même exercice de caractériser les arbres, puis on va comparer ça, nous, avec nos résultats de nos prédictions à ces endroits-là. Le photo-interprète est utile au départ pour générer les données d'entraînement, mais l'objectif, c'est qu'après, on n'ait plus besoin de faire ça une fois qu'on a les données d'entraînement. Par contre, si on veut se déplacer dans une autre région du Québec où les écosystèmes forestiers sont assez différents, bien là, il faut recommencer l'exercice, acquérir des nouvelles données pour faire un nouveau modèle peut-être pour cette région-là, ou même au final, quand on a assez de données pour le Québec, faire un modèle à l'échelle provinciale. Okay. On parle de centaines de milliers d'exemples photo-interprétés là, pour arriver à caractériser la diversité des écosystèmes présents au Québec. Oh oui, j'imagine. Pour tout le Québec, ça doit être une tâche colossale. Justement, je me demandais, quelles sont les prochaines étapes de ce projet, de vos projets? Oui, on voit que les possibilités sont immenses. D'ailleurs, on voit depuis quelques années, je dirais, que l'intelligence artificielle prend une place de plus en plus importante dans tous les sciences et voilà qu'elle fait son apparition en foresterie. D'après vous, pensez-vous que l'intelligence artificielle soit appelée à jouer un rôle plus important dans l'avenir en foresterie et de quelle manière? Oui, tout à fait. Je crois qu'effectivement, c'est déjà en train de se produire, ça, la place que prend les méthodes d'intelligence artificielle en foresterie, dans la recherche et dans plein d'autres domaines, en fait, en sciences. Mais pour la foresterie, dans ce qui sort dans la littérature scientifique, là, on voit de plus en plus qu'ils sont utilisés des méthodes comme ça qui dérivent de l'intelligence artificielle. Dans notre groupe, nous, on l'utilise pas seulement pour la cartographie des arbres morts. On a aussi d'autres projets en cours qui visent à appliquer des méthodes comparables, comme les réseaux neuronaux convolutifs, par exemple, pour cartographier d'autres attributs des découvertes, comme par exemple, on travaille sur un projet pour cartographier les essences forestières. On a aussi un projet qu'on a débuté l'an dernier sur la densité des arbres, à partir d'imagerie toujours des photographies aériennes. On a aussi un projet pour cartographier la biomasse foliaire à haute résolution spatiale, toujours avec les mêmes types de données et ou un mélange avec les images satellitaires. Mon collègue Jean-Daniel Sylvain, avec qui je travaille étroitement, lui a développé des cartes des propriétés de sol. Il peut, à partir d'un ensemble d'images provenant de satellites et d'avions, arrive à prédire de façon spatialement continue, supposons le pH du sol ou la texture, le pourcentage de sable, d'argile, limon. Dans un autre projet également, on utilise des méthodes toujours d'apprentissage automatisé, comme les réseaux neuronaux, convolutifs ou non, pour prédire la croissance des arbres. Ça va nous permettre d'avoir des modèles de croissance pour le futur qui vont tenir compte de variables comme la variabilité du climat, les conditions topographiques, etc. Oui, définitivement, beaucoup de pain sur la planche pour vous et votre équipe et en fait pour tous ceux qui s'intéressent à l'intelligence artificielle en lien avec la foresterie. Je tiens à vous remercier Guillaume Drelet, chercheur dans l'équipe de modélisation de la Direction de la recherche forestière du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, d'avoir pris un peu de temps avec nous aujourd'hui. Au revoir. Ça m'a fait plaisir, merci. À la prochaine.

boîte lustrée et ma cape au collet baissé. Je suis prêt à aller plonger ma dernière journée en chantier. Je tends mon poing vers les